Ensuite, Fabrice est présenté aux princes, auxquels il ne plaît pas, parce qu'il lui fait trop forte impression, et à l'archevêque Landriani, qui respecte infiniment la noblesse et le nom de Fabrice, et lui promet son affection et son soutien. Le comte Mosca reçoit une lettre anonyme faite sur l'instigation du prince, dénonçant l'amour qu'il croit deviner entre la duchesse Sanseverina et son neveu. La lettre atteint son but, et Mosca pense devenir fou en apercevant la complicité qui unit Fabrice et sa tante. Voici la question, reprenait-il avec rage. Faut-il laisser deviner la jalousie qui me dévore, ou ne pas en parler? Si je me tais, on ne se cachera point de moi. Je connais Gina, c'est une femme toute de premier mouvement. Sa conduite est imprévue, même pour elle. Si elle veut se tracer un rôle d'avance, elle s'embrouille. Toujours au moment de l'action, il lui vient une nouvelle idée, qu'elle suit avec transport, comme étant ce qu'il y a de mieux au monde, et qui gâte tout. Ne disant mot de mon martyr, on ne se cache point de moi, et je vois tout ce qui peut se passer. Oui, mais en parlant, je fais naître d'autres circonstances, je fais faire des réflexions, je préviens beaucoup de ces choses horribles qui peuvent arriver. Peut-être on l'éloigne. Le comte respira. Alors, j'ai presque partie gagnée. Quand même, on aurait un peu d'humeur dans le moment, je la calmerai. Et cette humeur, quoi de plus naturel? Elle l'aime comme un fils depuis 15 ans. Là gît tout mon espoir, comme un fils. Mais elle a cessé de le voir depuis sa fuite au Waterloo. Mais en revenant de Naples, surtout pour elle, c'est un autre homme. Un autre homme, répéta-t-il avec rage. Et cet homme est charmant. Il a surtout cet air naïf et tendre, et cet œil souriant qui promettent tant de bonheur. Et ces yeux-là, la duchesse ne doit pas être accoutumée à les trouver à notre cour. Ils y sont remplacés par le regard morne ou sardonique. Moi-même, poursuivi par les affaires, ne régnant que par mon influence sur un homme qui voudrait me tourner en ridicule, quel regard dois-je avoir souvent? Ah, quel soin que je prenne, c'est surtout mon regard qui doit être vieux en moi. Ma gaieté n'est-elle pas toujours voisine de l'ironie? Je dirais plus, ici il faut être sincère. Ma gaieté ne laisse-t-elle pas entrevoir, comme chose toute proche, le pouvoir absolu et la méchanceté? Est-ce que quelquefois je ne me dis pas à moi-même, surtout quand on m'irrite, je puis ce que je veux? Et même, j'ajoute une sottise, je dois être plus heureux qu'un autre, puisque je possède ce que les autres n'ont pas, le pouvoir souverain dans les trois quarts des choses. Eh bien, soyons justes. L'habitude de cette pensée doit gâter mon sourire, doit me donner un air d'égoïsme, content. Et comme son sourire à lui est charmant, il respire le bonheur facile de la première jeunesse, et il le fait naître. Par malheur pour le comte, ce soir-là, le temps était chaud, étouffé, annonçant la tempête. De ces temps, un mot qui, dans ces pays-là, porte de résolutions extrêmes. Comment rapporter tous les raisonnements, toutes les façons de voir ce qui lui arrivait, qui, durant 3 mortelles heures, mirent à la torture cet homme passionné. Enfin, le parti de la prudence l'emporta, uniquement par suite de cette réflexion. Je suis fou, probablement. En croyant raisonner, je ne raisonne pas. Je me retourne seulement pour chercher une position moins cruelle. Je passe sans l'avoir à côté de quelques raisons décisives. Puisque je suis aveuglé par l'excessive douleur, suivons cette règle, approuvée de tous les gens sages, qu'on appelle prudence.